Esteu escoltant Ulala Music. Ma chère femme, ma chère Judith, je pars pour les États-Unis. L'armée anglaise est à ma poursuite. Je t'aime, à bientôt, ton mari. Ma chère femme, chère Judith, rien ne se sera passé comme prévu. Nous fûmes arrêtés dans notre fuite. Je serai jugé là-dessus. Ma chère femme, chère Judith, comment plier devant l'injustice? Des Molson, des Moffat, des McGill, de ces hommes aussi haineux que vils. Ni la faim, ni les chaînes d'une tyrannie qui brûle nos domaines ne viendront à bout de moi, ne viendront à bout de nous. Ma chère femme, chère Judith, nous partons condamnés à l'exil. On m'embarque dès demain, on m'envoie dans les îles, Nelson, Boucher, Belleville, des rivières, Godu, Gauvin, Masson, Vigée et moi-même, sacrifions notre liberté au nom de tous de la patrie blessée. Ni la faim, ni les chaînes d'une tyrannie qui brûle nos domaines ne viendront à bout de moi, ne viendront à bout de nous. Ni la faim, ni les chaînes d'une tyrannie qui brûle nos domaines ne viendront à bout de moi, ne viendront à bout de nous. Ma chère femme, chère Judith,

au creux d'un mauvais détour. En ces moments où l'on teste la force de nos amours, je garderai la blessure. Au fond de moi, tout au fond, mais au-dessus, je te jure que j'effacerai ton nom. Pour faire de moi un soldat de plomb. On m'a rempli la tête, on m'a dit fais la fête, pour m'empêcher de tourner en rond. J'ai peur de toucher le fond. Oh oh oh oh oh oh. Allez, encore un effort, j'suis pas tout à fait mort. Vos continuarà escoltant música en francès al nostre costat. Això és el que proposem amb un programa com el dia d'avui. Música diversa, ho aneu escoltant, d'artistes molt i molt diferents. En primer terme, Jean-Jacques Goldman, amb un dels seus temes, i aquesta esplèndida cançó que acabau d'escoltar a càrrec de Florent Maté, que ens portava el Ja tens encore

qui nous inonde malentendus. Comportement humain, réalité si cruelle. Je crains que l'on devienne une génération virtuelle. Si j'ai toujours gardé l'espoir, aujourd'hui je n'ose plus y croire. Moi qui aurais tant voulu, moi qui a voulu, je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysée. J'ai traversé la terre entière, écoute ma prière. Je fais le tour de l'Europe, tu savais quelle drôle d'impression. En enclavant des fleurs, dans mon corps prennent d'autres dimensions. Les images de l'Afrique gravées dans mon subconscient. Sans la politique, elles seraient effacées depuis longtemps. Si j'ai toujours gardé l'espoir, aujourd'hui je n'ose plus y croire. Moi qui aurais tant voulu, moi qui a voulu, je cherche mais je ne trouve. Un pays qui me va, moi qui aurais tant aimé, me sens paralysé. J'ai traversé la terre entière, écoute ma prière. Això és Oh La La Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Si seulement tu voyais ma peine, tu reviendrais entre mes bras. Au fond, je sais bien que tu m'aimes et que tu n'aimeras que moi. Nous sommes deux gosses, oui, mais quand même. Rappelle-toi depuis tu jures. Tu m'as dit, Héroïne, je t'aime, dans notre sphère du vieux faubourg. Si seulement tu voulais comprendre que mon amour n'a pas changé. On s'était promis de s'attendre, dis-moi ce qui peut te troubler. Yeah. somme de gosse, c'est le problème. Comprends enfin que le bonheur n'est pas là-bas où l'on t'entraîne. Il te faut écouter ton cœur. Quand demain tu verras ma peine, tu reviendras entre mes bras. Au fond, tu sais bien que tu m'aimes et que tu n'aimeras que moi. Tous ces nuages avant de déclencher l'assaut contre mon bateau, car il rage. Mon bateau n'a pas peur de l'eau, il a dit à son équipage: les gars, il est encore trop tôt pour nous noyer, car moi je nage. Lors le ciel s'est mis en colère, ses noirs sourcils a foncé, ses yeux ont lancé les éclairs de leurs larmes ont tout arrosé. Mon bateau entre ciel et eau s'est enroulé dans ses cordages. Il a crié au matelot, arbitre l'enquête à l'orage. Le ciel alors s'est énervé, il a convoqué le tonnerre. Il lui a dit: j'en ai assez, toi et le vent secouez la mer. Les cançons, les dues curtes que hem escoltat, Six Elements, la primera de Chassin Noir i després des d'aquesta banda, aquesta formació fundada als anys 40, Les Companions de la Chanson, Mon Bateau, es deia aquesta cançó que escoltàvem. És, o estem, dins la recta final del nostre espai, d'aquest programa especial, us ho hem dit al principi, amb música molt diversa, estem al final d'una etapa de la música amb les cançons que anem escoltant al final d'aquesta temporada. Verónica Sanson, 1974. Oh,